Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, bonjour Lola. Bonjour Jean-Paul. Eh bien, c'est un peu nouveau de vous voir ici chez Fadjet parce que c'est une expérience en fait qu'on commence aujourd'hui. C'est ça, c'est la première fois, donc notre première émission. Dans ce nouveau format d'émission, on va vous parler de différents types d'inégalités que l'on peut rencontrer à toute échelle. En effet, cette suite d'émissions, elle va être diffusée entre février et juin à la radio Fadjet. Et c'est l'aboutissement d'une collaboration entre Oxfam France, avec notamment son antenne locale à Nancy, et l'IAE de Nancy à travers un projet tutoré. Eh ben, merci à l'équipe pédagogique à l'IAE qui a permis cette expérience. Et à vous aussi, bien sûr, d'être présente aujourd'hui. Tu peux nous présenter tes amis, peut-être? Oui, du coup, moi, c'est Lola. Et du coup, aujourd'hui, on a comme intervenante Asmi qui est avec nous et aussi Amélia qui va parler plus particulièrement d'Oxfam à la fin. Et on peut aussi penser à Elliot, notre technicien son aujourd'hui. Nouvellement formé, génial. Mais on va parler finalement que d'Oxfam, en fait, mais aussi un petit peu de vous par vos choix musicaux, c'est ça? Oui, j'ai introduit un choix musical dans cette émission qui parle bien évidemment, de l'inégalité auquel va porter cette émission aujourd'hui, qui est l'inégalité de genre. Et donc voilà, on la découvrira à la suite de cette émission. Eh bien, allons-y. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Donc pour commencer, un chiffre marquant. À poste équivalent, les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes. Ce chiffre résume à lui seul une réalité qui dépasse largement le cadre professionnel. Mais ces inégalités, elles ne s'arrêtent pas là. Elles touchent aussi bien la sphère privée, avec une répartition souvent déséquilibrée des tâches domestiques, que l'éducation ou encore la représentation dans les médias. L'objectif de cette émission, comprendre où et pourquoi ces inégalités persistent. Nous allons explorer ensemble ces problématiques et réfléchir à des solutions. Restez avec nous et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de Fadjet. Donc plongeons maintenant dans le monde du travail, un domaine où les inégalités entre les hommes et les femmes sont particulièrement marquées et complexes. Commençons par une donnée clé. En France, l'écart salarial moyen entre les sexes est de 16%. À poste et compétences égaux, une femme gagne donc bien moins qu'un homme. Mais cet écart ne s'arrête pas là. Lorsque l'on prend en compte l'ensemble des revenus, il grimpe à environ 28%, notamment parce que les femmes occupent davantage de postes à temps partiel ou encore moins bien rémunérés. Ce phénomène, il est souvent désigné comme le plafond de verre. Il s'agit de cette barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder à des postes à plus haut échelon hiérarchique. En 2023, par exemple, seulement 10% des PDG des entreprises du CAC 40 étaient des femmes. Oui, effectivement, le plafond de verre repose souvent sur des biais inconscients. Donc les femmes sont perçues comme moins disponibles à cause de la maternité ou jugées moins aptes à gérer des équipes dans des environnements compétitifs. Et pourtant, de nombreuses études montrent que la diversité dans les postes de direction améliore les performances des entreprises. Merci Asmik pour ces précisions. En effet, ces préjugés sont encore très ancrés dans la société. Et si on parle de maternité, c'est une autre problématique majeure. Complètement. Beaucoup de femmes voient leur carrière freinée après une grossesse. Par exemple, cela peut être freiné sur l'accès aux promotions ou encore aux postes à responsabilité qui leur devient plus difficile. Cette réalité, elle a même un nom, ça s'appelle le prix de la maternité. Et une femme sur trois estime avoir été pénalisée dans sa carrière après être devenue mère. Donc c'est quand même une part importante de la population. Autre point crucial, les discriminations à l'embauche. Elles peuvent être directes ou indirectes. Par exemple, une étude récente a montré que pour un même CV, un candidat masculin avait 30% de chances supplémentaires d'être appelé qu'une candidate féminine. Et dans certains secteurs, comme la technologie ou l'ingénierie, ce chiffre est encore plus frappant. Mais ce n'est pas tout. Les inégalités professionnelles touchent aussi à la question des métiers dits, entre guillemets, féminisés. Pensez par exemple au secteur de la santé, de l'éducation ou encore du social. Ces professions, elles sont majoritairement occupées par des femmes et elles sont souvent moins bien rémunérées. Pourquoi ? Parce que la société leur attribue une moindre valeur économique, malgré leur utilité qui est évidente. Et que dire des métiers traditionnellement masculins ? Les femmes qui entrent sont souvent confrontées à un environnement hostile, entre blagues sexistes ou encore doutes sur leurs compétences ou isolement. Oui, d'ailleurs, les secteurs féminisés souffrent d'une dévalorisation historique. Cela remonte à une époque où ces métiers étaient non rémunérés car considérés comme des prolongements naturels du rôle des femmes. Et aujourd'hui encore, cette logique persiste malheureusement. Tout à fait. Et cette dévalorisation, malheureusement, elle ne se limite pas qu'au salaire, car elle inclut aussi le manque de reconnaissance et d'évolution dans ces professions. Enfin, parlons des initiatives pour réduire ces inégalités. Certaines entreprises adoptent des politiques de transparence salariale, imposant la publication des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et dans plusieurs pays, comme l'Islande, des lois obligent les employeurs à prouver qu'ils rémunèrent équitablement les deux sexes. Mais le changement ne peut pas venir uniquement des lois, bien évidemment. Il passe aussi par la sensibilisation. Des formations sur les biens inconscients, par exemple, ou encore l'aide aux managers pour recruter et promouvoir sans discriminer. Oui, effectivement, certaines entreprises, comme une grande banque scandinave, ont réussi à réduire l'écart salarial à moins de 2% grâce à des audits réguliers et une politique stricte d'équité. Ces exemples, d'ailleurs, montrent que des progrès sont possibles si on s'en donne les moyens. C'est exactement ça. Le monde professionnel a beaucoup à gagner en s'engageant dans cette voie. Non seulement cela renforce la justice sociale, mais cela améliore aussi les performances économiques des entreprises. Merci. À ce moment-là, on se dit peut-être une pause musicale, c'est maintenant ? Oui. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Donc vous venez d'écouter mon choix musical, qui est la première partie d'une musique qui s'intitule « Une sorcière comme les autres » d'Anne Sylvestre, qui est pour moi un hymne intemporel du féminisme. Complètement, Lola. Une première féministe déjà ou... Oui, on peut dire qu'elle était précurseur de ce mouvement. Après, c'est quand même fort, mais on peut le dire. Ce morceau, il a été écrit en 1975 et ça continue forcément de résonner pour nous aujourd'hui avec une étonnante actualité. Et pourquoi ? Parce que ce morceau, il met en lumière la persistance des inégalités et des stéréotypes genrés. La chanson, elle explore les attentes contradictoires imposées aux femmes, prises entre force et douleur, indépendance ou encore disponibilité. Ces rôles, ils sont souvent réduits à des fonctions nourricières, maternelles ou séduisantes même, qui illustre un carcan sociétal dans lequel les femmes sont enfermées depuis des décennies. Et si ces injonctions semblent familières, c'est parce qu'elles perdurent. Ce choix musical, il invite donc à réfléchir sur cette lenteur du progrès. Bah, félicitations, Lola. Merci. Et ce choix musical, fait reconnaître aussi que les combats d'hier ne sont pas encore derrière nous et sont les combats d'aujourd'hui. On peut maintenant quitter la sphère du bureau pour entrer dans la sphère privée. Ici aussi, les inégalités sont quand même bien présentes et elles s'expriment souvent de manière insidieuse dans le quotidien. Prenons un exemple concret, la répartition des tâches domestiques. Selon une enquête récente de l'INSEE, les femmes consacrent encore en moyenne 1h30 de plus par jour que les hommes aux tâches ménagères. Cela signifie que sur une semaine entière, elles effectuent près de 10 heures de travail domestique supplémentaire. Et cela ne se limite pas au ménage ou à la cuisine. Lorsqu'on parle de la gestion du foyer, il faut aussi inclure le suivi scolaire des enfants, la planification des rendez-vous médicaux, l'organisation des vacances ou même l'anticipation des courses et des repas. Le problème, c'est que ces tâches, elles sont souvent perçues comme, entre guillemets, normales ou naturelles pour les femmes, alors qu'elles constituent un véritable travail non rémunéré. En 2019, une étude de l'Observatoire des inégalités a estimé que si l'ensemble du travail domestique effectué par les femmes était rémunéré au salaire minimum, cela représenterait plusieurs milliards de dollars de valeur économique par an. Mais au-delà des tâches visibles, il y a une charge mentale invisible, un phénomène dont on parle de plus en plus ces dernières années. La charge mentale, c'est ce stress permanent qui est lié à la planification et à l'organisation du quotidien qui repose encore majoritairement sur les femmes. Ce n'est pas seulement faire, c'est penser à faire en permanence. Oui, effectivement, je trouve que la charge mentale est un fardeau émotionnel et cognitif pour les femmes et elles doivent souvent penser à vraiment tout et ce qui alourdit leur quotidien et crée un déséquilibre. Je pense que ce poids mental est souvent épuisant et contribue à une fatigue chronique qui touche particulièrement les mères de famille. Mmh. C'est ça. Et cette charge mentale, elle a des conséquences bien réelles, car beaucoup de femmes ressentent une pression constante, un sentiment de responsabilité permanente qui peut mener à du stress, de l'épuisement et même des troubles du sommeil. Oui, prenons un exemple courant. Lorsqu'un enfant a besoin de nouveaux vêtements pour l'hiver, on pense à qui en premier? Qui va vérifier la taille, comparer les prix, planifier le moment pour aller acheter ses vêtements? Dans la majorité des cas, ce sont les mères qui gèrent cette organisation, même si le père participe à l'achat final. Oui, et une autre manifestation de cette inégalité est le syndrome de la femme multitâche. Les femmes, elles sont habituées à jongler avec plusieurs responsabilités en même temps et finissent à la fin par internaliser cette charge mentale et par considérer qu'elles n'ont pas d'autre choix que de tout gérer en même temps. Mais comment peut-on expliquer cette répartition inégale ? En grande partie par l'éducation et les normes sociales. Dès l'enfance, on inculque aux filles qu'elles doivent être responsables, organisées, attentives aux besoins des autres. On valorise leur capacité à anticiper et à prendre soin, notamment soin des autres. Résultat, une fois adultes, ces attentes pèsent toujours sur elles, alors que les garçons sont souvent moins sollicités pour ces aspects. Et lorsque l'on interroge les couples, les réponses sont frappantes. Beaucoup d'hommes ne perçoivent même pas la charge mentale de leur conjointe, non pas par mauvaise volonté, mais simplement parce qu'ils n'ont jamais été éduqués à penser à ces aspects du quotidien. Certaines études montrent également que lorsque les hommes participent aux tâches ménagères, ils prennent souvent en charge les tâches ponctuelles comme le bricolage, le jardinage ou encore les réparations du quotidien, plutôt que les tâches récurrentes et quotidiennes comme la cuisine, le ménage ou encore le linge. Mais alors, comment faire évoluer cette situation ? Heureusement que les mentalités changent. De plus en plus de couples cherchent à instaurer une répartition plus équitable des tâches domestiques. Et certains utilisent des applications de gestion du foyer, d'autres instaurent un système de répartition hebdomadaire pour éviter que la responsabilité ne repose toujours sur la même personne. Je partage. Ça change doucement. C'est ça, très doucement. Les campagnes de sensibilisation jouent également un rôle clé. Par exemple, certaines publicités déconstruisent les clichés en montrant des pères impliqués dans la gestion quotidienne du foyer. Finalement, pour parvenir à un véritable équilibre, il faut que la charge mentale soit prise en compte et partagée. C'est pas seulement une question d'aide ponctuelle, mais de responsabilité collective. Et pour illustrer cette réalité, je vais vous partager un témoignage que j'ai recueilli. Il nous montre à quel point cette charge mentale peut peser sur l'équilibre familial, mais aussi sur l'équilibre personnel. Ce témoignage, c'est l'histoire d'Hélène, 45 ans, qui est mère de famille et travaille à temps plein. C'est ici son témoignage qui nous est illustré, mais c'est celui de milliers, voire de millions de femmes qui l'est aussi. Vous qui nous écoutez, ou encore un membre de votre famille ou une personne proche, c'est sûrement votre histoire également. Dans son témoignage, elle me racontait que par semaine, plus de 12 heures de son temps étaient sacrifiées aux tâches ménagères, à la gestion des courses, des enfants, etc. C'est quasiment la totalité des heures que son mari passe à pratiquer du sport dans la semaine. À titre de comparaison, il passe peut-être une heure, voire deux heures par semaine à s'occuper des enfants, de la gestion du foyer, etc. Elle me racontait également qu'elle trouve cela très inégalitaire, qu'avec tout ce temps passé à la gestion du foyer, elle n'avait plus vraiment de temps pour elle, ce qui est compréhensible. Elle justifie cette inégalité par le fait que, je cite, « longtemps les tâches ménagères étaient réservées aux femmes, car elles ne travaillaient pas et s'occupaient donc du foyer. Aujourd'hui, elles travaillent, donc cela devrait évoluer vers une meilleure parité, mais les mentalités ont tout de même du mal à changer. » Je lui ai également demandé si elle ressentait une évolution au sein de son foyer au vu des avancées qu'il y a eu ces dernières années et de la transition douce qu'est en train de vivre la société. Son avis est clair là-dessus, il n'y a pas une meilleure répartition entre elle et son mari au sein du foyer. Or, Hélène s'est déchargée d'une partie de cette charge mentale en demandant une aide extérieure. Désormais, une femme de ménage vient chez elle 2 à 3 heures par semaine afin de la soulager sur certains aspects du quotidien. Selon elle, il existe tout de même un changement avec la nouvelle génération qui arrive, car celle-ci aborde différemment le sujet et les hommes aident beaucoup plus à la maison. Hélène m'a aussi fait part dans son témoignage de la volonté de faire apprendre aux deux sexes de manière identique la gestion de la maison. Et donc on peut voir grâce à ce témoignage que les mentalités, elles évoluent tout de même sur le sujet, même si certaines inégalités continuent à persister. C'est en faisant tous un effort, chacun à notre échelle au sein de notre foyer, que l'on peut faire bouger les choses. Très sympa cette interview, ce reportage auprès d'une personne. Je trouvais ça important d'illustrer le sujet avec vraiment un exemple concret, parce que ça nous parle à tous et dans notre quotidien, quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit des jeunes couples dont l'homme s'occupe de la cuisine, par exemple. De plus en plus, j'ai des preuves de mon côté. Et puis les jeunes femmes aussi commencent à dire « Non, je ne peux pas tout faire quand même. » Et c'est bien. C'est parfait. Ouais. C'est très bien. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. On peut peut-être maintenant passer à une question fondamentale qui est d'où viennent ces inégalités? Les stéréotypes de genre jouent un rôle clé dans ce sujet. Et chez Oxfam, on a des éléments de réponse. Prenons l'éducation par exemple. Dès le plus jeune âge, les filles sont souvent encouragées à s'orienter vers des carrières jugées féminines, comme l'enseignement ou encore le soin, tandis que les garçons sont incités à explorer des filières plus techniques. Résultat, une sous-représentation des femmes dans les métiers scientifiques ou de l'ingénierie. Les médias ne sont pas en reste également. Combien de fois avons-nous vu des publicités où la femme fait le ménage pendant que l'homme répare la voiture? Ces clichés alimentent des idées reçues et perpétuent les inégalités. Oui, je trouve que de nombreuses initiatives émergent pour contrer ces stéréotypes. Par exemple, des associations proposent des ateliers pour encourager les filles à se tourner vers les sciences ou encore des campagnes publicitaires qui valorisent la diversité des rôles. Absolument. Et ces actions, elles sont forcément essentielles pour déconstruire le schéma qui nous limite tous. Pour conclure, il faut rappeler que ces stéréotypes, bien que puissants, ne sont pas immuables. Et chacun de nous peut contribuer à les déconstruire au quotidien, que ce soit dans l'éducation de nos enfants ou dans nos choix de consommation. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut, vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat, c'est Joséphine. l'épine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Donc en poursuivant notre écoute d'une sorcière comme les autres, comme on vient de l'entendre, on perçoit vraiment toute la richesse de la métaphore de la sorcière. Anne Sylvestre ici l'utilise pour symboliser les femmes marginalisées ou persécutées, souvent parce qu'elles osent défier les normes établies, quoi. Les sorcières d'hier, comme les femmes qui sortent des sentiers battus aujourd'hui, sont encore parfois punies pour leur quête d'autonomie ou leur volonté d'égalité. Mais la chanson, elle va plus loin en rendant hommage aux sacrifices invisibles, ces tâches quotidiennes, ces émotions étouffées et cette charge mentale qui pèse de manière disproportionnée sur les épaules des femmes. C'est un appel puissant à reconnaître leur humanité dans toute sa complexité et à déconstruire les oppressions pour bâtir un avenir plus juste. À travers cette musique, Anne Sylvestre nous rappelle que derrière les stéréotypes et les luttes, il y a des êtres humains avec des rêves et des douleurs trop souvent ignorées. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Je vais présenter deux rapports que l'Oxfam a réalisés. Donc le premier, il porte sur les inégalités de genre et l'insécurité alimentaire, et le second sur les inégalités économiques. Concernant les inégalités de genre et l'insécurité alimentaire, qui est un enjeu majeur, les inégalités entre les hommes et les femmes se manifestent dans de nombreux domaines et l'accès à l'alimentation ne fait pas exception. Lorsqu'une crise survient, les femmes sont souvent les premières touchées et leurs difficultés restent encore trop visibles. Lorsque l'on parle de crise alimentaire, on pense souvent à la hausse des prix, à la pénurie de ressources. Mais ce que l'on souligne moins, c'est que cette insécurité touche les femmes de manière disproportionnée. En 2007 et 2011, l'augmentation du coût des denrées alimentaires a fragilisé de nombreuses familles. Et dans ces périodes de tension, ce sont souvent les femmes qui en subissent le plus lourd tribut. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en première ligne. Elles doivent continuer à nourrir leur foyer malgré une disponibilité réduite, et faire face au stress de voir leurs enfants souffrir de la faim. Face à cette pression, beaucoup n'ont d'autre choix que d'accepter des emplois précaires dans le secteur informel, où les revenus sont faibles et instables. Dans le secteur agricole, la situation n'est guère plus favorable. Les agricultrices, bien que cruciales dans la production alimentaire, restent désavantagées. Elles peinent à accéder aux services de formation, au financement et aux ressources agricoles. Pire encore, elles sont souvent en position de faiblesse lorsqu'il s'agit de négocier, et leur voix pèse peu dans les décisions. En somme, quand une crise survient, elles ont moins de moyens pour s'en sortir et risquent davantage de perdre leurs ressources et leur emploi. Cependant, des solutions existent. L'ONG Oxfam agit pour réduire ces inégalités. Parmi ses initiatives, soutenir les paysannes en réformant le droit foncier et en rééquilibrant les rapports de force, autonomiser économiquement les femmes en soutenant leur organisation et en développant des marchés pour leur culture, impliquer les communautés locales dans les politiques alimentaires et agricoles pour garantir un modèle plus équitable, et enfin, augmenter les investissements publics pour favoriser une agriculture locale et durable au bénéfice des agricultrices. Concernant le rapport des inégalités économiques, c'est un fossé qui se creuse. Mais au-delà de l'accès à l'alimentation, les inégalités de genre sont aussi profondément ancrées dans le modèle économique mondial. À l'échelle de la planète, les richesses se concentrent toujours plus entre les mains d'une minorité, tandis que les femmes continuent d'assumer l'essentiel des tâches invisibles, non rémunérées ou sous-payées. En 2019, les chiffres étaient vertigineux. 2153 milliardaires possédaient plus de richesses que 4,6 milliards de personnes réunies. Cette concentration extrême de la richesse repose sur un système économique profondément injuste, où les femmes sont les grandes oubliées. Pourquoi ? Parce qu'elles assurent l'essentiel du travail de soins, s'occuper des enfants, des personnes âgées, du ménage et de la cuisine. Et ce travail, bien qu'indispensable à l'économie et à la société, est souvent non rémunéré ou très faiblement payé. En chiffres, le travail de soins non rémunéré représenterait une valeur de 10 800 milliards de dollars chaque année. Et pourtant, les femmes continuent d'occuper les emplois les plus précaires et les plus mal payés, sans reconnaissance à la hauteur de leur contribution. Que propose Oxfam ? Investir dans les services publics pour mieux répartir la charge de travail de soins entre les hommes et les femmes, lutter contre l'extrême richesse pour mettre fin à l'extrême pauvreté, et enfin, protéger les droits des aides-soignantes et garantir un salaire décent aux personnes rémunérées pour ces tâches essentielles. Ces combats sont cruciaux pour bâtir une société plus juste et plus équitable, parce que tant que ces inégalités persistent, il est impossible de parler de progrès réel. Effectivement, et Oxfam est très présent sur ce terrain-là, auprès des communautés villageoises. Oui. Et on sait qu'en donnant 10 dollars à une femme, on a plus de chances que la famille s'en sorte, plutôt que de les donner au monsieur. Oui, c'est clair. Tu avais une question à me poser peut-être. Que fait Oxfam concrètement en France, par exemple ? Oui, c'est ça. Ce serait intéressant de connaître des actions concrètes qu'Oxfam réalise afin de lutter contre ces inégalités. Oui, donc Oxfam France est bien spécialisée dans le plaidoyer et milite vraiment pour que le droit des femmes soit respecté. Et en France, comme exemple concret, Oxfam France a signé une tribune des 48, ça s'appelle comme ça, c'était en 2023, pour un plan d'urgence pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc 48 cités françaises, 48 métropoles, qui font des efforts pour une égalité homme-femme. Et je prends comme exemple quelques villes pilotes, dont Lyon, avec le programme BSG, ça veut dire budget sensible au genre. C'est-à-dire que dès qu'il y a une dépense publique d'une métropole, on vérifie que cet argent n'est pas fléché que vers des postes masculins, par exemple. Okay. Et également à Nantes, avec un centre d'accueil pour femmes en souffrance, qui est pilote également. Il y a quelques villes comme ça qui ressortent en France, qui font de réels efforts. Et si on va plus loin, il y a même certaines écoles primaires, par exemple, qui font des cours d'école égalitaire. Parce que ce sont les gamins qui jouent au foot et les demoiselles sont dans les préaux et regardent les garçons jouer. Et en surface occupée de la cour d'école, elles sont toujours minoritaires. Donc, si on veut inverser les choses, il faut aussi éduquer à ce niveau-là. Oui, c'est clair que c'est aussi une question d'éducation après. Voilà, et d'espace public qui respectait les genres dès le premier âge. Et on a aussi, en France, la chance d'avoir une personne qui s'appelle Madame Hubertine Auclert, qui a été une des premières féministes qui a revendiqué que les femmes puissent concourir pour des emplois publics. Et ça, c'était dès la fin du 19e siècle. Donc, Oxfam France continue dans cette lignée à faire avancer la cause des femmes, au plus possible auprès des municipalités et des métropoles, oui, c'est vrai. Et donc, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui sont intervenus. C'était vraiment enrichissant. Et donc, ces inégalités hommes-femmes sont vraiment un combat de longue haleine, comme on a pu le voir, mais chaque avancée compte. Donc, n'oublions pas, comprendre, c'est déjà agir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, et d'ici là, prenez soin de vous et osez remettre en question les clichés. Très bien, merci Lola, merci à vous. Merci. Merci. Merci.